Je propose que nous portions un toast à la famille. À la famille. Troisième épisode, bâtard un jour, bâtard toujours. Le papa de Simon, de Guy de Maupassant. Il avait 7 ou 8 ans. Il était un peu pâle, très propre, avec l'air timide, presque gauche. Il s'en retournait chez sa mère quand les groupes de ses camarades, chuchotant toujours et le regardant avec les yeux malins et cruels des enfants qui méditent un mauvais coup, l'entourèrent peu à peu et finirent par l'enfermer tout à fait. Il restait là, planté au milieu d'eux, surpris et embarrassé, sans comprendre ce qu'on allait lui faire. Mais le gars qui avait apporté la nouvelle, enorgueilli par le succès obtenu déjà, lui demanda « Comment t'appelles-tu, toi ?» Il répondit « Simon ». « Simon quoi ?» reprit l'autre. L'enfant répéta tout confus. « Simon ?» Le garçon lui cria « On s'appelle Simon quelque chose, c'est pas un nom ça, Simon !» Et lui, prêt à pleurer, répondit pour la troisième fois « Je m'appelle Simon !» Les galopins se mirent à rire. Le gars, triomphant, éleva la voix. « Voyez bien qu'il n'a pas de papa !» Un grand silence se fit. Un garçon qui n'a pas de papa. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Ce n'est pas pour surprendre Sylvie Stenberg, bonjour. Bonjour. Historienne des sexualités qui a publié nombre de textes, on y reviendra, on les citera, sur la bâtardise. Alors, Maupassant, la bâtardise, motif littéraire au 19e chez Stendhal aussi. Le bâtard, il est objet de mépris, il est pomme de discorde et il est motif littéraire. Oui, les motifs littéraires dans la littérature du 19e, vous en avez cité quelques-uns, on peut citer George Sand, on peut citer même d'autres types d'écrits ou de chansons, hein, de chansons réalistes, en particulier à la fin du siècle. C'est un motif littéraire, mais c'est un motif littéraire qui fait écho à une situation particulière au 19e siècle, et situation particulière qui peut-être n'est pas la situation de tous les bâtards, bâtards un jour peut-être, mais bâtards pas toujours le même non plus au fil des siècles, qui n'est pas toujours le même parce que au 19e siècle, il y a ce personnage de bâtard qui est aussi une figure sociale d'enfants sans papa, comme le dit la nouvelle de Maupassant. Donc d'enfants qui sont nés de femmes, de servantes, de filles de ferme, comme c'est le cas ici, de prostituées, de filles abusées, hein, comme on disait, d'ouvrières. Cette situation particulière, elle renvoie à une situation sociale particulière des femmes du peuple, hein, dans la société du 19e siècle, un régime sexuel particulièrement inégalitaire entre ces femmes du peuple et un certain nombre d'hommes. Elle renvoie au code civil de 1804 qui interdit aux hommes, en particulier aux hommes mariés, de reconnaître leurs enfants. On en parlera tout à l'heure. Mais sens que vous brûlez, vous brûlez, Sylvie Stenberg, de remonter un peu en arrière. Et pour remonter en arrière et revenir de nouveau sur ces catégories, cette catégorie d'enfants bâtards, enfants sans père, n'est pas la seule catégorie de bâtard qu'on puisse trouver au fil des siècles. Et bâtard renvoie en fait à des situations qui sont très diverses. Alors il y a les enfants sans père, mais il y a aussi les enfants nés d'un concubinage, où les parents sont ensemble mais ne peuvent pas ou ne veulent pas se marier. Il y a les enfants qui sont nés d'un adultère, hein, qu'on appelle adultérin, nefari en latin pour être cuistre. Et puis il y a les enfants nés de personnes ecclésiastiques. Bon. Et l'Église, depuis au moins le 11e, 12e siècle, a entériné ces catégories, qui sont des catégories du droit canonique et qui sont des catégories qui renvoient à des situations différentes, mais aussi à des droits différents pour ces enfants. Alors, vous citez en exergue d'un livre que vous avez publié aux éditions Albin Michel, le dictionnaire de Furetière. Nous sommes donc dans l'époque moderne, on remonte en arrière, et qui explique que quand la pudeur a été violée, il y a une infamie sur les bâtards. Et le livre où figure cette citation en exergue s'intitule « La tâche au front ». Au front. Oui. Alors, ça renvoie en effet à l'opprobre qu'ont connu les bâtards jusqu'à une période très récente, hein, et qui reste malgré tout jusqu'à aujourd'hui dans le vocabulaire quand on insulte quelqu'un en le traitant de bâtard. Bon, c'est moins fréquent en français qu'en anglais, mais ça existe. Et cette opprobre, elle est liée à la fois à cette inégalité de droit qui existe, donc d'abord dans le droit canonique, ensuite dans le droit civil, mais aussi à un regard social porté sur ces enfants. Regard social qui, on en reparlera, est à géométrie variable suivant les catégories sociales, mais auxquelles l'enfant peut de toute façon être renvoyé, même si on l'appelle le grand bâtard de dans certains milieux aristocratiques au 15e ou au 16e siècle, il peut toujours se faire qu'il croise sur sa route quelqu'un qui l'insultera en tant que bâtard et qui le renverra à cette infamie. Et qui lui dira « tu ne devrais pas succéder, tu ne devrais pas succéder, tu n'accéderas pas à certaines charges ». Alors, puisque vous parlez de milieux aristocratiques, vous me tendez une perche à la demande générale, Sylvie Steinberg, je ne sais pas si c'est vraiment à votre demande. Nous sommes à la cour de Versailles, c'est Versailles Médécomté, de Sacha Guitry. Et on sait que parmi les bâtards de Madame de Montespan, que Louis XIV suivait de près, il y en a eu un, le duc du Maine, qui a accédé à des fonctions importantes. Mais on n'en est pas encore tout à fait là dans la chronologie. Le temps a passé. Le roi part pour la guerre. Le roi désire faire ses adieux à Madame la marquise de Montespan. Le roi désire faire ses adieux à sa majesté la reine. La qualité de conquérant est le plus noble et le plus élevé des titres. Et le métier de roi est délicieux. Faites-moi vos adieux, madame. Et restez-moi fidèle. Qu'on me laisse un instant. Êtes-vous enceinte en ce moment ? Oui, frère. Je vous en félicite. Faites-moi vos adieux, madame. Et ne mangez pas trop. Qu'on me laisse un instant. Êtes-vous enceinte en ce moment ? Oui, frère, comme toujours. Je vous en remercie. Bon, le roi chez la reine, après avoir été chez sa maîtresse, la réprobation n'est pas générale. D'ailleurs, alors vous vous intéressez aux sources littéraires, mais surtout, Sylvie Steinberg, aux sources juridiques, vous vous apercevez que les situations sont en effet à géométrie variable, dans l'aristocratie par exemple. Oui, elles sont à géométrie variable. Alors, la question de l'infamie... Encore une fois, c'est une question sociale, donc tout dépend de la façon dont le bâtard entre ou non sur le strapontin qui lui est laissé par le droit. Juridiquement, un bâtard ne peut pas succéder, et c'est un des aspects de son infamie. Il n'appartient pas à une famille, il est sans gens, comme on disait, il est sans ascendance, mais malgré tout, dans l'Ancien Régime, il est possible pour le père de faire entrer d'une certaine façon l'enfant dans son cercle familial, de façon souvent graduelle, en le considérant tout simplement comme son enfant et éventuellement, pour aller plus loin, en le légitimant. Transmission des biens, transmission du nom, les armes des bâtards aussi en disent long. Absolument. Hein. Et tout ça est possible dans une société qui, évidemment, est fondée largement sur l'autorité paternelle, mais aussi sur la tige paternelle. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans l'aristocratie, les bâtards ont un statut qui est très, très différent. Alors, on a pu parler, entre le 15e et le 16e siècle, d'une bâtardocratie, c'est-à-dire d'une période particulièrement faste où on voit des bâtards s'illustrer sur les champs de bataille, mais aussi avoir des responsabilités politiques. On peut penser aux bâtards de Charles Quint, hein, dont certaines ont même gouverné les Pays-Bas espagnols. Donc, bâtardocratie qui prend place, disons, dans cette mentalité nobiliaire, mais aussi dans un contexte certainement favorable à l'ascension d'un certain nombre de bâtards. Mais là, on parle d'un milieu social déterminé. On sait comment progresse le nombre total des bâtards. On peut supposer qu'au XVIIe siècle, les effets de la réforme catholique qui prône la conjugalité stricte ont dû faire baisser peut-être le nombre des bâtards. Et moi, j'imagine qu'au XVIIIe siècle, le nombre des bâtards a beaucoup augmenté, je me trompe ? Non, c'est pas de l'imagination, hein. C'est même fondé sur des études démographiques dont on peut, disons, rappeler le sérieux. Hein. Alors, les naissances illégitimes au XVIe, XVIIe siècle, pour ce qu'on peut reconstituer, c'est entre 0,5 et 1% des naissances. Donc c'est effectivement très peu, et comme vous le dites, les réformes, pas seulement la réforme catholique, mais la réforme protestante aussi, sont largement... interviennent dans ce tassement ou cette modération, disons. Bon, il y a d'autres facteurs, et en particulier les possibilités qu'ont les couples de régulariser leur situation, c'est-à-dire de se marier de façon subséquente, possibilités qui sont d'autant plus grandes qu'il y a une pression des familles et des communautés villageoises pour aboutir à ce résultat. Et au XVIIIe siècle, en effet, on voit une hausse très considérable du nombre de naissances illégitimes, beaucoup plus importante dans les villes que dans les campagnes, parce qu'il y a aussi des filles qui viennent accoucher en ville, parfois 20-30% dans les grandes villes. Bon, c'est plus modéré dans les campagnes. Et une des raisons, c'est évidemment cette émigration vers les villes, c'est la très grande jeunesse de cette population aussi. Certainement aussi la déprise, disons, que les communautés ont sur les jeunes gens. Une conséquence, c'est la montée du sujet dans la réflexion. Vous racontez, Sylvie Stenberg, comment ça devient un sujet de concours pour les académies de l'époque des Lumières. Et puis, insistons sur ce tournant. Le grand chantier législatif de la Révolution, en même temps qu'il généralise l'état civil laïque, qu'il rend possible le mariage civil, va ouvrir la préparation d'une loi qui aboutit en 1793, désormais part égale dans la succession des parents entre les enfants légitimes et les enfants naturels. 1793. 1793. Alors, comme vous le dites, ça a été préparé d'une certaine façon par l'opinion publique, le fait que dans cette opinion publique, en particulier chez les savants, bon, on peut citer Robespierre qui a quand même participé à ce concours fameux sur la condition des bâtards de l'Académie de Metz. Dans cette opinion publique, il y a une question qui devient de plus en plus importante et qui n'est pas celle vraiment des bâtards, mais qui est plutôt celle des enfants abandonnés. Parce que cette question recoupe évidemment la question des bâtards, mais c'est une question qui se pose différemment au XVIIIe siècle du fait de l'augmentation considérable du nombre de naissances illégitimes et du nombre considérable d'abandons à partir de 1750. Les hautes eaux, c'est 1750-1850 de l'abandon. Et donc la question, c'est aussi comment donner une condition acceptable à ces enfants abandonnés, en finir avec les conditions effroyables dans lesquelles sont les hospices pour enfants trouvés, comment trouver une famille, etc. Et dans les solutions qui sont proposées, il y a plusieurs choses. Il y a la mise en place d'une adoption nationale, et ça fait partie de ces lois révolutionnaires que vous venez d'évoquer. Et il y a cette loi sur les enfants illégitimes qui est donc votée. 12 Brumaire en deux. Par la Convention, voilà. Et qui donne la dignité. Aux enfants naturels, la dignité est censée remplacer l'infamie. Vous me permettez de faire un saut de 10 ans, parce que vous allez nous expliquer comment on est passé d'une situation à une autre, de 1793 à 1804. Vous citiez tout à l'heure le code civil. Ben, le code civil va rétablir l'inégalité entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Et ce qui est assez piquant, c'est que, à l'origine du texte de la Convention, il y avait un député de l'Hérault qui s'appelait Cambacérès, et que, à l'origine du Code civil, il y a non seulement le premier consul, mais le deuxième consul qui s'appelle Cambacérès, et qu'en 1804, il n'est pas facile d'aborder. La légende disait que, en public, appelez-moi votre Altesse Sérénissime, en privé, appelez-moi Monseigneur. Monsieur le ministre, Il y a bien longtemps que je sollicite un rendez-vous et jamais... Je n'ai pu l'empêcher, monsieur le ministre, c'est Julie Carreau, l'ancienne femme de Talma, le comédien. C'est vous que je veux rencontrer. Vous êtes l'auteur du code civil. Il faut rétablir les droits des enfants naturels. Je peux vous accorder un court moment d'entretien avant la séance du conseil. Rendons-nous dans la bibliothèque. Madame, le nouveau code civil procède autant du droit révolutionnaire que du droit ancien et du droit romain. À toute société, il faut un chef. Le mari assume cette responsabilité au sein de la famille. Il ne s'agit pas d'autorité, mais de despotisme. Même les enfants ne sont pas épargnés. Je suis mère de 3 enfants de pères différents. Vous êtes revenue sur les droits des enfants bâtards. Madame, le code civil protège la famille et la propriété. Plus de 400 pages pour les lois sur les biens. Les hommes fondent une famille, la propriété assure leur existence. C'est un droit fondamental acquis par révolution. Nous avons voulu que ce droit soit préservé. Monsieur, vous serez en retard. C'est le code du propriétaire. Hors du mariage, hors de la famille, nos enfants n'auront rien. Les députés ont applaudi à tout rompre les textes de loi sur la famille. Il faut vous rendre à cette raison. Le code correspond à nos mœurs. Les députés, ou ce qui en tenait lieu, sous le consulat. Bah oui, parce que la dignité n'est sans doute pas enlevée aux enfants naturels, mais la question nodale, comme le dit Madame Talma, c'est celle de la propriété. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre 1793, 94 et 1804? Bon, il s'est passé les événements politiques que vous savez, et donc évidemment, bien sûr, et donc tout cela va ensemble. Hein. Ce qui s'est passé, alors d'abord, ce qui s'est passé après Thermidor, c'est que cette loi sur les enfants bâtards a été considérée comme une loi de la terreur, ce qu'elle n'était pas, parce que elle avait été préparée bien avant. À l'époque où on a sécularisé le mariage, à l'époque où on a instauré le divorce, à l'époque où on a mis fin au privilège de la primogéniture mâle, hein, donc du droit d'aînesse dans la succession. Autrement dit, c'est une loi qui va avec ces réformes de la famille, qui est fondée sur le droit naturel, qui est fondée à la fois sur une conception, généreuse de la famille comme étant diverse, comme étant instituée par un contrat préalable entre les parents, que ce contrat soit formel dans le mariage ou qu'il soit un contrat amoureux que les conventionnels appelleront mariage privé, hein. Et il est fondé aussi sur le droit des enfants, c'est-à-dire l'idée qui était déjà débattue de longue date dans la théologie d'ailleurs chrétienne, est-ce qu'un enfant doit payer pour le péché de ses parents? Est-ce que son infamie doit venir du péché de ses parents? Oui, mais ça c'est beau, c'est généreux, mais alors voilà. Vous dites, il y a un soupçon parce que c'est une loi contemporaine de la terreur, et puis c'est quand même une loi, on doit commencer à le dire après Thermidor, qui introduit des aventuriers, des femmes de mauvaise vie dans les familles honorables, en donnant des droits aux enfants nés illégalement. Alors pas tellement, parce que c'est une loi qui ne s'adresse pas en fait à tous les enfants bâtards, c'est une loi qui s'adresse essentiellement aux enfants qui précisément sont nés dans un mariage privé, c'est-à-dire qui naissent dans le concubinage. Et les adultérins restent en marge de cette loi, donc ça n'est pas cet argument-là. Hein. Il y a d'autres arguments qui sont agités au moment de la rédaction de la loi, et en particulier déjà cette question de la propriété, c'est-à-dire ces enfants qu'on ne connaît pas, qui vont venir revendiquer 25 ans après, un héritage alors que l'héritage est déjà promis à d'autres enfants. La question de savoir comment prouver le fait que les enfants ont été véritablement reconnus par leur père, parce que la reconnaissance accompagne cette nouvelle loi. Hein, c'est une notion extrêmement importante qui n'existait pas sous l'Ancien Régime. Et donc, les tribunaux, de façon très concrète, sont confrontés à ces questions, qui sont des questions techniques, qui sont des questions de droit, et petit à petit, à la fois dans la pratique des tribunaux, mais aussi évidemment dans les assemblées, naît un courant, ou plus exactement, est renforcé le courant qui était contre hein, cette loi à l'intérieur de l'Assemblée. Alors, quand vous ferez, vous allez la publier un jour, l'histoire de la bâtardise au XIXe siècle, vous étudierez la jurisprudence et vous montrerez quel raffinement de difficultés s'opposaient aux actions en justice de ceux qui, parmi les enfants illégitimes, voulaient faire des recherches en paternité. Une loi en 1912, on n'a pas le temps d'en parler, aura une certaine importance dans ce domaine. Mais je voudrais qu'on en arrive aux contemporains. Vous notiez tout à l'heure que le mot « bâtard » revenait sous l'effet des États-Unis, sous l'effet de la banlieue. Ici, c'est un groupe de rock de Grenoble qui s'appelle Max des Carpates, qui a d'ailleurs divorcé peu après ce succès. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Bâtard un jour, bâtard toujours, on a pu utiliser ce titre parce que le mot est revenu en force. Oui, le mot revient, c'est assez curieux parce que, comme on va le noter tout de suite, la loi de 1972 a aboli la différence entre l'enfant illégitime et enfant légitime, ce qui est vraiment un cataclysme, un moment très important quand on voit, quand on sait que à l'échelle de notre histoire, cette opposition entre naissance légitime et naissance illégitime a été véritablement structurante. C'était le monde à l'envers, Tarba, quoi. Je voudrais que on en vienne à la grande réforme de 1971-72 qui s'inscrit elle aussi dans un grand chantier législatif. On l'a maintes fois cité dans cette série, le doyen Carbonnier. Le doyen Carbonnier a inspiré le garde des Sceaux de l'époque, Jean Fouayet. Il a quand même fallu attendre la fin du règne du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle était peut-être un peu comme Bonaparte, un chef pour l'État, un chef pour la famille. La loi de 72 va permettre enfin l'égalité des enfants légitimes et des enfants naturels, ceux-ci se voyant, les enfants naturels, se voyant reconnaître les mêmes droits successoraux. Alors nous sommes dans une émission 10 ans après, une émission anniversaire à la télé. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet qui a provoqué pour des générations et des générations d'êtres humains des conflits et des drames particulièrement déchirants. Il s'agit du sort des enfants naturels, ceux-là même qu'on appelait des bâtards. Une loi dont on fête en ce moment le 10e anniversaire a permis de changer radicalement le sort de ces enfants et c'est tant mieux. Ces derniers peuvent être désormais reconnus par leur père, même s'il est déjà marié à une autre femme. Ils ont les mêmes droits que les enfants légitimes dans presque tous les domaines. Par ailleurs, l'enfant lui-même peut demander à être reconnu. Mais je voudrais ce soir, si ce thème vous touche directement, que vous puissiez donner votre avis, poser des questions à notre invité, Monsieur Jean Fouayet, ancien ministre et garde des Sceaux, qui a été le rapporteur de cette loi à l'Assemblée nationale. J'aurais demandé d'abord à M. Jean Fouayet comment lui perçoit cette loi dont il a été le rapporteur il y a 10 ans. Alors à l'époque où ce texte a été examiné par les assemblées, il a soulevé un certain nombre de craintes et ça n'a pas toujours été très facile d'obtenir le vote de ces dispositions. Bien. Allô ? Allô ? Allô ? Parlez. Oui, nous vous écoutons. Allô, bonsoir messieurs. Bonjour madame. Bonjour madame. Allô ? Oui, nous vous écoutons. Allô ? Oui. Allô. Oui ? Moi je suis tout à fait contre cette loi, parce que je trouve illégal qu'un homme marié ayant des enfants puisse se distraire ailleurs avec une maîtresse et que l'enfant de cet amour puisse bénéficier du travail du couple. C'est-à-dire que soit héritier aussi bien dans le fond du travail de la femme. Et d'autre part, à une époque où l'avortement est libre, si une femme se trouve enceinte, elle a tout de même le choix de se faire avorter. Ouais. Alors, il y a maintenant du chantage. Si l'homme a une situation, ben, on se fait faire un enfant pour que l'enfant puisse bénéficier de la fortune du mari ou de la situation. Alors ça, je suis absolument contre cette loi qui, dans le fond, fait bénéficier plus la maîtresse que la femme légitime. Alors, recommander l'avortement à la maîtresse, c'était pas la bonne méthode à mettre en avant devant Jean Foyer, qui était un grand adversaire de l'avortement. Mais là, il s'agit des enfants adultérins. Oui, là, il s'agit des enfants adultérins. Et est-ce qu'il y a vraiment les mêmes droits après la loi de 72 pour les enfants adultérins et pour les enfants naturels? Parce que le doyen Carbonnier disait, il ne faut pas discriminer, certes, mais enfin, les enfants nés de l'adultère peuvent-ils être mis à égalité pour l'héritage avec les enfants légitimes? Il posait la question. Oui, oui. Et ça, c'est une question qui s'était posée déjà en 1792, qui se pose dans le débat sur la réintroduction de la recherche de paternité en 1912. Mais je dirais que par rapport à cette époque, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que cette auditrice me semble extrêmement isolée. C'est-à-dire qu'en réalité, la loi de 1912 a suscité évidemment des débats, et des débats effectivement sur ce type d'argument. Mais quand on regarde l'après, c'est une loi qui a fait entrer la société française dans une ère où, de fait, les bâtards n'existent plus. Donc là, je crois que vraiment, on était arrivé à un terme de cette longue bataille, sociale et juridique qui avait commencé, disons, au milieu du XVIIIe siècle. Longue bataille de plusieurs décennies, de plusieurs siècles même. Une loi est bonne quand, dans son application, la jurisprudence suit son cours aisément. Un mot pour finir. Vous avez un peu de temps pour répondre, parce que c'est une question importante et qu'on abordera demain. Vous insistez depuis un moment sur l'importance de la recherche des origines, sur le caractère séminal de la recherche des origines. Moi, je n'insiste pas trop là-dessus. Non, je suis pas sûre que c'est été un thème, disons, très ancien. Ce qui était recherché, c'était d'obtenir des droits, hein, et en particulier dans la recherche de paternité telle qu'elle a été votée en 1912, la grande question, c'était de porter assistante aux filles-mères et de faire en sorte qu'un homme puisse payer ce qu'on appelait les aliments, hein, sous l'ancien régime. Comment nourrir, et suivant le bon adage, qui fait l'enfant le nourrit. Et donc la question des origines en tant que vraiment importante pour son identité, sa psyché, son récit personnel, son identité personnelle, etc., ça me semble être un thème peut-être plus récent. Oui, même alors, donc si, les origines, voilà, de la recherche des origines ne sont pas anciennes, mais c'est devenu un thème inédit et d'une extrême importance. Oui, c'est devenu très important. Mais c'est devenu aussi très important parce que longtemps, on a mis un secret sur ses origines, en particulier sur ses bâtards sans père. Mais là aussi, je fais un retour en arrière. Sous l'Ancien Régime, il n'était pas question de secret, c'est-à-dire que l'Église, le curé, la communauté, etc., obligeaient peu ou prou les pères à nommer l'enfant, contrairement à ce qu'on a entendu à propos de Maupassant, à nommer l'enfant, si ce n'est à le nourrir. Alors ça ne fait pas forcément un lien, hein, mais ça lève ce problème des origines. Merci à vous, Sylvie Stenberg. Vous avez ouvert le thème de la 4e émission avec Laurence Brunet. Demain, vos publications sur notre site, la préparation Aurore Juvenel, la technique Florent Beauvalet et Audrey Ripouille à la réalisation. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous hochez la tête depuis un moment. Fabrice Drouel, bonjour. Parce que le sujet m'intéresse, parce qu'il est très intéressant. Voilà. Alors, vous ouvrez un diptyque pendant que nous en étions au triptyque, nous, aujourd'hui. Oui, absolument. Concernant la Libye, une première émission aujourd'hui qui raconte la chute de Kadhafi, et une deuxième émission demain qui montrera que gagner la paix est aussi compliqué que gagner la guerre.